Chapitre 10. On déjeuna fort tard le lendemain chez les Hennec. François, qui avait passé la première quinzaine des vacances à Rennes, chez un de ses oncles maternels, était rentré le matin même, et Madame le Hennec venait d'avoir avec lui une explication orageuse au sujet de dettes contractées à Quimper et ailleurs. À table, il montra un visage sec et maussade. Madame le Hennec, soucieuse et d'humeur revêche, trouvait à redire sur tout. Annonciade ne fut pas épargnée dans cette distribution d'aménités, faite sans colère apparente, mais avec une sécheresse coupante fort désagréable. Aussi éprouva-t-elle un soulagement en franchissant le seuil de la demeure paternelle pour prendre la route de Guerlac. Comme elle quittait le village, une voiture passa près d'elle. Elle reconnut immédiatement les deux Italiennes arrivées la veille au manoir. Son regard se croisa au passage avec celui de Donia Flavia, noir comme une sombre nuit. Elle frissonna légèrement. L'image de l'étrangère avait hanté constamment sa pensée durant l'insomnie qu'il avait tenue éveillée presque jusqu'au matin. Elle était bien belle, cette comtesse Spelletta, et quels yeux expressifs, surtout quand il s'arrêtait sur M. de Pandelon. Le seul souvenir de ce regard donnait à Annonciade une singulière sensation d'angoisse que venait de renouveler cette fugitive rencontre. Les châtelains de Guerlac, Sofron, avaient paru prendre plaisir à recevoir ces deux femmes brillantes, élégantes, qui égayaient un instant leur existence retirée. Cette distraction impromptue, ce rappel de sa vie d'autrefois, ferait peut-être trouver bien fade à M. de Pandelon la conversation, les lectures d'Annonciade. Elle avançait d'un pas lassé dans la direction de Guerlac. Depuis quelque temps, elle se sentait vraiment fatiguée. En plus du travail un peu excessif que lui demandait sa belle-mère, cette inquiète émotion toujours éprouvée en présence de Wenaël agissait défavorablement sur sa santé. Une mauvaise nuit et une assez forte chaleur augmentaient encore aujourd'hui cette lassitude morale et physique. Quand elle pénétra dans l'avenue du manoir, l'ombre lui parut bonne après le soleil qui brûlait la lande. Tout en marchant, elle pensait « Peut-être ne le verrai-je pas aujourd'hui. Il a dû aller ce matin à Tréguier avec ses étrangères et la compagnie de sa sœur, la mienne, lui paraîtrait bien terne. Tant mieux. Ce sera bien ainsi. Cela aurait dû être toujours. » Elle se disait cela en toute sincérité, mais au fond du cœur, quel déchirement à l'idée qu'elle ne pourrait plus le revoir, ne plus rencontrer ses yeux couleur d'océan qui avaient parfois une si étrange, si terrible douceur. Elle eut tout à coup un léger sursaut. À quelques pas d'elle, M. de Pandelon était assis, en retrait de l'allée, sur un des bancs placés de distance en distance, avec son lévrier couché à ses pieds. Le chien se redressa, bondit vers la jeune fille. Elle s'approcha du banc, tandis que Wenaël se levait. « Je craignais de ne pas vous voir aujourd'hui, mademoiselle. »« Nous avons déjeuné fort tard. » Elle baissait un peu les yeux sous le regard observateur de Wenaël. « Vous paraissez singulièrement fatigué. Je regrette beaucoup de ne pas vous avoir envoyé la voiture par cette chaleur. Vous n'avez pas bonne mine depuis quelques jours et, aujourd'hui, vos yeux sont cernés. J'y vois encore assez pour m'en apercevoir. » Cette voix caressante, cette voix! Annonciade, éperdue, saisie d'effroi, eut la soudaine certitude que Wenaël l'attendait là, pour la voir seule, pour lui dire... Lui dire quoi ? Asseyons-nous un moment, il faut que je vous parle. Elle dit, la voix tremblante, « Madame de Pandelon m'attend, je n'ai pu faire sa correspondance hier. Mon secrétaire s'en chargera. » Il lui prit la main, la fit asseoir et prit place près d'elle. Il y eut un long instant de silence. Puis Wenaël dit à mi-voix, « Annonciade, m'avez-vous pardonné ?» Leurs yeux se rencontrèrent. Ceux de Wenaël renfermaient une amoureuse prière. Mais à la vue de la crainte, de la détresse qu'il distinguait sur la physionomie d'Annonciade, M. de Pandelon ajouta avec vivacité, « Je vous en prie, n'ayez plus peur de moi. Je ne suis plus celui qui se plaisait à prendre votre cœur par surprise pour son amusement. Non, Annonciade, je ne voudrais pour rien au monde recommencer un si mauvais jeu, auquel d'ailleurs j'ai été pris moi-même. Car je vous aimais dès ce moment-là. Je ne vous ai jamais oublié depuis lors. Et maintenant que je vous ai revu... Monsieur, je ne puis écouter !» Elle se levait, tremblante, essayant de retirer sa main qu'il tenait toujours. « Ce que j'ai à vous dire, vous pouvez l'entendre, car j'en ai parlé hier à ma sœur. Annonciade, mon amour pour vous s'est augmenté, transformé, au cours des jours où vous êtes venu près de moi, et aujourd'hui, je vous demande si vous voulez bien devenir ma femme. » Elle resta immobile, frissonnante, saisie d'une surprise où l'éblouissement se mêlait à l'angoisse. Son regard, de nouveau, rencontrait celui de Wenaël, ardemment tendre. Monsieur de Pandelon dit avec un accent de joie passionnée « Vous m'aimez, Annonciade, vous m'aimez toujours comme autrefois, je le sens, et vous m'avez pardonné. Vous me permettez de vous faire oublier combien j'ai été coupable en voulant jouer avec votre cœur innocent. » Il se levait à son tour, ses deux mains en serrant maintenant la main fine qui n'essayait plus de la réchapper. Le lévrier, dérangé, alla s'étendre plus loin avec un air offensé. « Oui, je vous ai pardonné, mais de là à passer votre vie près d'un si méchant diable ?» Il sourit en voyant son mouvement, son regard de protestation. « Oui, oui, je sais bien que pour une petite sainte comme vous, je ne suis pas absolument le mari qu'il faudrait. Mais je puis vous affirmer l'entier respect que j'aurai de vos croyances. Ce n'est plus le Wenaël de l'année dernière dont vous entendez aujourd'hui l'aveu d'amour. Il s'est passé quelque chose depuis lors, et vous savez quoi ? La souffrance m'a touchée, m'a arrachée à une existence facile, capricieuse, insouciante. Puis vous êtes venu. Mon âme révoltée s'est apaisée en vous contemplant, et le goût de la vie m'est revenu. Avec vous, je sais qu'il ne me quittera pas, quoi qu'il arrive. Car il faut, évidemment, envisager cette perspective que je puis, un jour ou l'autre, devenir aveugle. C'est donc une mission de dévouement que vous pouvez être appelé à remplir près de moi, une mission que je m'efforcerai toujours de vous rendre le moins pénible possible. » Elle l'interrompit vivement. « Oh, cela, cela, ce n'est pas ce qui me ferait hésiter, au contraire. » « Au contraire, oui, c'est bien là tout votre cœur, aimant et dévoué. Peut-être, d'ailleurs, cette pénible éventualité ne se présentera-t-elle pas. Mais il est loyal de vous en parler. Si elle ne vous fait pas reculer... » « Non, certes non, mais il faut que je réfléchisse. Dans quelques jours, je vous répondrai. » Elle rougissait sous le chaud regard de Wenaël. « Quelques jours, c'est bien long. » « Non, ce n'est pas trop long pour une décision qui engage la vie. » « Soit, je tâcherai d'être patient. Nous sommes aujourd'hui jeudi, jusqu'à dimanche, voulez-vous ?» Elle réfléchit un moment. Pour écrire au curé de Sainte-Marthe et avoir sa réponse, il fallait compter plus que cela. « Je vous demande jusqu'à mardi, monsieur. » « C'est trop, beaucoup trop. » « Non, je vous assure, votre demande m'a surprise et j'ai besoin d'y penser, de m'habituer à cette idée. » « Allons, il faut bien s'incliner devant ce désir. Je ne puis rien vous refuser, Annonciade, car j'ai trop à me faire pardonner. » Il la considérait avec une émotion attendrie. Ce n'était plus la toute jeune fille de l'année précédente. L'amour, le chagrin, les épreuves avaient mûri son âme, tandis que se développait cette beauté d'un charme si pur qui avait conquis le très difficile marquis de Pandelon. Annonciade dit, avec un sourire timide, « Maintenant, il faut que j'aille m'informer près de madame votre mère si elle a besoin de moi. Je vous enlève à elle aujourd'hui encore. Nous irons dans le jardin avec Run et vous nous lirez Dante pendant que je vous contemplerai, ma Béatrice. » Il serra longuement les doigts d'Annonciade, puis les porta à ses lèvres pour y mettre un lent baiser. Tous deux se dirigèrent vers le manoir, précédés par le lévrier. Annonciade restait étourdie, le cœur bondissant de joie, l'esprit anxieux, perplexe. Pour rompre un silence embarrassant, elle demanda, comme ils entraient dans le parterre, « Vos visiteuses vous ont quitté tout à l'heure. J'ai croisé leur voiture sur la lande. » En effet, elles se rendent à la Baule, où elles passeront 2 ou 3 semaines avant de regagner l'Italie. Elles m'ont paru des personnes très agréables. Évidemment, elles plaisent pendant quelque temps, mais on ne peut faire fond sur ces natures qui n'ont qu'une assez faible valeur morale. La comtesse Dravine n'a jamais passé pour une femme sérieuse et l'éducation donnée à sa fille s'en est ressentie. Néanmoins, je reconnais que Donia Flavia vaut mieux que sa mère au point de vue cœur et jugement. Annonciade dit pensivement « Elle a de très beaux yeux. » « Ne parlez pas de beaux yeux, Annonciade, il n'y a que les vôtres. Ah, si un jour je ne devais plus les voir, du moins je veux les admirer jusqu'à ce moment-là pour en garder le souvenir. » Il s'arrêtait, prenait entre ses mains le visage rougissant et pendant quelques secondes, il contempla avidement ses yeux veloutés que voilaient à demi les cils tremblants. Puis ils reprirent leur marche vers le manoir en silence. Dans le salon, Run travaillait près de sa mère. Quand Annonciade entra, suivie de Wenaël, Mademoiselle de Pendelon leva sur elle un regard d'affection inquiète, aussitôt assombri à la vue du trouble qui n'avait pas quitté ce jeune visage. Madame de Pendelon semblait toute rajeunie par le court passage des Italiennes. Elle dit, en tendant la main à Annonciade, « Ah, vous voilà, ma chère enfant. Je pensais que vous vous reposiez peut-être aujourd'hui en ne vous voyant pas arriver. » Wenaël déclara, « Elle aurait bien fait, car sa mine est celle d'une personne fatiguée. Mais nous allons passer une fin d'après-midi tranquille dans le jardin. Car je vous la confisque une fois de plus, ma mère. » « Soit, soit, mon cher ami, comme tu voudras. » Le regard satisfait de Madame de Pendelon suivit les 3 jeunes gens qui s'éloignaient. Le caprice de son fils pour cette très jolie Annonciade ne l'inquiétait guère et même elle le jugeait bon de le favoriser. Après avoir détourné Wenaël de son farouche désespoir des premiers mois, il passerait comme tant d'autres. Quant à se demander ce que deviendrait la jeune fille ainsi jetée en sacrifice, cette mère idolâtre n'y songeait même pas. Le sens moral n'existait guère chez elle. Et comme elle croyait bien connaître le caractère de son fils, pas un instant il ne lui venait à l'idée que ce grand seigneur orgueilleux, âme froide et blasée selon toute apparence, penserait à faire sa femme d'Annonciade le Hennec. Wenaël et les 2 jeunes filles finirent leur après-midi dans la roseraie. Annonciade lut des chants de la Divine Comédie, choisis parmi ceux où passe la vision de Béatrice. Connaissant par cœur toute l'œuvre du poète, M. de Pendelon les désignait à la jeune fille. Celle-ci, sachant quelle intention le dirigeait, réprimait avec peine son émotion, qui ne pouvait échapper au coup d'œil perspicace de Run. Vers 6 heures, un domestique vint avertir M. de Pendelon qu'un de ses fermiers demandait à lui parler. Wenaël prit congé d'Annonciade et quitta la roseraie. Voyant sa compagne plier son ouvrage d'une main un peu nerveuse, Run demanda « Vous partez déjà ?»« Non, pas tout de suite. Je voudrais vous parler, mademoiselle. » D'un geste affectueux, Run mit son bras autour du cou de la jeune fille en rapprochant son rude visage de la délicate figure rougissante. « Je sais ce que vous avez à me dire. Wenaël vous a demandé en mariage, n'est-ce pas ?»« Oui, il vous l'avait dit. Il m'a choisi pour confidente hier et m'a demandé conseil. Voilà qui est très beau de sa part, n'est-il pas vrai ?» Mais je sais à qui je dois ce changement dans l'opinion de mon frère. Vous avez vraiment de l'influence sur lui, Annonciade, et ce n'est pas un résultat banal, je vous assure, avec une nature telle que la sienne. » Annonciade eut un sourire un peu tremblant. « Je crois que M. de Pendelon, dans ses rapports plus fréquents avec vous, a pu de lui-même apprécier à leur valeur toutes vos qualités rares. » « Oui, oui, vous êtes trop modeste pour en convenir. Mais revenons à notre sujet. Donc, mon frère vous a parlé tout à l'heure. Et qu'avez-vous répondu ?»« J'ai demandé à réfléchir jusqu'à mardi. »« C'est raisonnable. Sans doute voulez-vous que je vous dise ce que je pense d'un mariage entre Wenaël et vous ?»« Oui, mademoiselle, je vous en prie. » »« Eh bien, tel qu'était mon frère avant son accident, je vous répondrai aussitôt « refusé ». Maintenant, c'est différent. Il souffre, il est menacé de la nuit complète. Déjà, quelque chose a changé en son âme. Cependant, il n'est pas tel que je l'aurais voulu pour vous. Mais vous pouvez l'améliorer encore. Et puis, vous l'aimez, chère petite Annonciade. » La jeune fille appuya son front contre l'épaule de Run. Celle-ci eut un sourire mélancolique. « Pauvre enfant, Wenaël m'a tout dit très sincèrement. Il regrette le jeu mauvais qu'il a joué là, cette souffrance dont il a été la cause, et souhaite vous faire oublier ce passé. À vous de décider maintenant si vous pouvez croire en sa promesse, en cette affection qu'il vous offre. » Annonciade se redressa en attachant sur Run un regard chargé d'interrogations anxieuses. « Puis-je y croire? Dites-le-moi, vous qui le connaissez un peu. » « Si peu, si mal. Je ne sais que vous répondre, enfant. » Annonciade murmura avec une intonation d'angoisse. « Vous n'avez pas confiance en lui ?» Run ne protesta pas. Il était bien vrai qu'elle se défiait de son frère pour avoir trop connu les échos de sa vie mondaine, complaisamment recueillie par Madame de Pandelon. En toute loyauté, il lui était donc impossible d'engager cet enfant à se confier sans réserve aux promesses de Wenaël. Annonciade laissa tomber son visage brûlant contre l'épaule de Run. « Que vais-je faire? Comment me décider? Dites-moi, mademoiselle !»« Je ne le puis, ma pauvre petite. Certes, je crois que Wenaël vous aime sincèrement et qu'il est très décidé à vous faire aussi heureuse que possible. » En outre, je vous le répète, je l'ai trouvé changé, plus sérieux, moins porté au scepticisme. Mais il est mon frère et vous comprenez combien il m'est difficile de vous conseiller. Voyons, n'avez-vous personne à qui vous adresser ? Je vais écrire au curé de Sainte-Marthe, notre petite paroisse de là-bas. Mais il ne connaît pas M. de Pandelon, il ne saura peut-être pas me dire... Elle se tut un moment... puis regarda le visage pensif de Run avant de demander « Si j'étais votre sœur et que M. de Pandelon vous fût étranger, que me conseilleriez-vous » Run hésita avant de répondre « Je vous dirai peut-être de l'épouser tel qu'il est maintenant parce que je pense que vous pourrez beaucoup pour lui moralement, spirituellement et que je le crois disposé à vous donner ce qui existe de bon en son âme faussée par l'éducation, par le monde, par tout ce qui a été son existence jusqu'ici. Mais c'est une vie de dévouement qui vous est offerte là. Songez-y, Annonciade. » « Je le sais et celle-là, je l'accepterai sans crainte. Une affection qui ne sait pas se dévouer, qu'est-ce donc ?» « Bien peu de choses, en effet. » Annonciade songea un moment, le visage un peu tendu. Puis elle murmura « Comme il m'a fait souffrir !» Run mit un baiser sur la joue tiède et une telle caresse, inaccoutumée chez cette nature concentrée, parut infiniment douce à la jeune fille anxieuse. « Vous l'aimez donc toujours, pourtant, ce coupable Wenaël ?» Annonciade soupira en répondant « On ne peut pas s'empêcher de l'aimer. » Run eut un sourire mélancolique. C'était bien cela. Le charme de Wenaël continuait d'agir sur ses victimes, alors que lui-même, depuis longtemps, les avait plongées dans l'abîme du plus profond oubli. De celle-ci, pourtant, il s'était souvenu, parce que, seule, elle avait touché son cœur endurci. Mystérieux pouvoir de cet enfant sur l'homme jusque-là sans scrupules que l'ombre du remords avait alors effleuré. Si Run avait eu plus d'expérience de la vie, elle aurait compris que cet amour était la régénération de son frère et peut-être le bonheur d'Annonciade. À travers le parterre ensoleillé par les flammes du couchant, Mademoiselle de Pandelon accompagna son amie jusqu'à l'allée de pins. Elles se quittèrent presque sans parole et Annonciade reprit la route de Brahe avec un cœur lourd de joie de tout ce trouble qui avait introduit la demande de Wenaël.